Sponsorisé. Cherchez la bagarre. Regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny 2 à Z, ici sur RIG 90.7 de la bande FM, et on se retrouve tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 604e émission Johnny 2 à Z, et aujourd'hui on va parler des albums 33 tours 25 cm. L'idée de ce thème est venue suite à une publication de David Rico sur son groupe Johnny Hallyday Collection concernant la discographie officielle de Johnny Hallyday. Les studios d'albums studio, les albums live, soit à aujourd'hui, 51 albums studio et 91 concerts disponibles entre vos mains. C'est énorme, voire incroyable dans la discographie d'un artiste. Et l'héritage musical de Johnny Hallyday est sans précédent en France. Beaucoup d'autres artistes étrangers pourraient envier notre chanteur français préféré pour toute l'attention apportée par ses maisons de disques, tellement l'exploitation de son catalogue est prolifique. Et ce n'est pas fini. Bon, revenons au poste de David Rico. Un follower de sa chaîne postait la question suivante. J'ai du mal à comprendre ta vidéo quand tu regardes la discographie de J.H. dans le livre Johnny Hallyday l'intégrale. C'est pas du tout ce que tu dis. Il y en a beaucoup plus, disait-il. Lui, il faisait référence aux 33 tours 25 cm. Je lui répondis, seuls les 33 tours 30 cm sont officiellement considérés comme des albums et non les 25 cm qui sont un regroupement de IP. La discographie de Johnny Hallyday se porte à 51 albums studio. Je m'en vais vous parler de cela. Au début des années 60, l'industrie du disque français repose sur une pluralité des formats 45 tours, EP, 25 cm et 30 cm, utilisés selon des logiques commerciales distinctes. Dans ce paysage en transition, le 33 tours 25 cm occupe une place centrale. Johnny Hallyday, alors en pleine ascension, en est l'un des exemples les plus représentatifs. Ses premiers succès sont largement diffusés via ce format intermédiaire avant que le 30 cm ne s'impose progressivement comme standard. Vogue publie le premier 33 tours 25 cm le lundi 31 octobre 1960, Hello Johnny, rassemblant les chansons des trois premiers IP, T'aimer follement, Souvenir souvenir et Itsy Bitsy Petit Bikini. Ils seront mis de côté les titres suivants, Ho Ho Baby, extrait du IP T'aimer follement, et Le plus beau des jeux, extrait de l'IP Itsy Bitsy Petit Bikini. Allons écouter ce 33 tours 25 cm Hello Johnny, mais juste avant, Johnny va nous parler de Paris Cocktail en 1959. J'ai fait l'émission de Pierre Mandelson, et la vedette de l'émission c'était Colette Renard à l'époque, et j'avais chanté Let's Have a Party, en anglais d'ailleurs, de Elvis. Ouais. Et là, dans la salle, il y avait le producteur du disque Vogue qui était là, qui m'a entendu, qui m'a fait venir le lendemain. C'était qui, Jacques Bolson? Rue d'Hauteville, parce qu'à l'époque, les disques Vogue c'était rue d'Hauteville, dans le 9e, et où j'ai passé l'audition. Ils m'ont demandé des chansons, donc j'ai écrit, moi, les premières chansons que j'ai chantées dans ma carrière, depuis que Mamo est parti, Souvenir, souvenir, enfin, toutes ces chansons de cette époque-là. Tout autour de nous, les gens sont jaloux. Ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux. De t'aimer et follement, mon amour. Gentil, mais

Ouais, en faux live, hein. John Hallyday, soi-disant au Palais des Sports de 1961 avec une boum chez John. Si tu m'avais dit ce soir que je vais chez John, j'aurais pas donné 23 coups de téléphone. Si tu m'avais dit qu'aller danser chez lui, je ne serais pas devenu cinglé. J'aurais pas crevé les deux des amis. Et j'aurais pas sorti tous les coulants d'Orly. Si tu m'avais dit je vais chez John, si tu voulais pas, oui, que je te soupçonne. Allez me dire, voilà, je vais chez John. En allant chez Johnny, tu fais mal à personne. Mais moi, pas bon sang, je ne vais même pas. Je fais des dégâts, un drôle de fracas. Et j'ai amené tous les petits quartiers. Ah, si t'avais dit, mais chez John, ouais. Voilà, je vais chez John. En allant chez Johnny, il faisait mal à personne. Mais moi, un bon sang, je ne suis plus de mal. J'ai fait des dégâts, un drôle de fracas. Et j'ai amené tous les petits quartiers. Ah, c'est un petit peu chez John. Que je te soupçonne. Fallait me dire, voilà, je vais chez John. En allant chez John, il faisait mal à personne. Mais moi, pas bon sang, je ne vivais pas. J'ai fait les dégâts, un drôle de fracas. Et j'ai arrêté de les petits quartiers. Ah, c'est un bébé, mais c'est John. Everybody, bon John. Laisse tomber ce bon John. Laisse tomber ce bon John. C'était en 1960, enfin 59, quand j'ai commencé. Il n'y avait pas de musiciens de rock. En France, c'était des musiciens de jazz. Et les musiciens de jazz, ils avaient horreur du rock'n'roll, parce qu'ils trouvaient ça débile, ils trouvaient ça trop simpliste bon, par rapport au jazz. À l'époque, ce qu'il y avait de plus rock, c'était Gilles Berbeco, Monsieur 100 000 vols. C'était ça le rock pour les Français à l'époque. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Et elle craignait de quitter sa cabine et elle tremblait de montrer aux voisins. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi? Son petit, tout petit, petit bikini qu'elle mettait pour la première. Un, deux, trois, voilà ce qui arriva. Non. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Son petit itzy bitsy tiny winy tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itzy bitsy tiny winy tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à tout voir. Un, deux, trois, voilà ce qui arriva. Eh ben, oh. Elle doit maintenant s'élancer hors de Londres. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. Un, deux, trois, elle a peur de montrer quoi? Et son petit itzy bitsy tiny winy, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itzy bitsy tiny winy, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune. Cette histoire vous amuse, on peut recommencer. Et si c'est pas drôle, on s'excuse. En tout cas, c'est terminé. C'est, à l'époque, on enregistrait, c'était sur deux pistes. Donc tout était en direct, les musiciens et moi. Il y avait trois musiciens. Hein. Il y avait un bassiste, un guitariste et un batteur. Et donc il y avait deux pistes, une piste pour les musiciens, une piste pour moi. Donc on était obligés de faire tout ça en même temps, quoi. Je passe mes jours allongé sur le tapis, et je passe mes jours à guetter son retour. Depuis que maman est partie, je n'ai plus un sou d'appétit, et j'en ai assez de manger des œufs sur le plat, et j'en ai assez de manger des œufs sur le plat. Oh, oh là là, pour moi. Quand elle reviendra, depuis que maman m'a quitté, j'ai mes chaussettes trouées, mais je suis en nylon, non plus un seul bouton, et je passe mes jours à guetter son retour. Yeah, depuis que maman m'est partie, je n'ai plus de goût à la vie, et j'ai le pourtant. Quand je vais au ciné, et j'ai le bourdon, voir les autres s'embrasser. Allez! Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Retrouve Johnny Hallyday. Well, au Palais des Sports, 1961. Ah, Johnny Hallyday qui s'emballe à la fin de la chanson Tutti Frutti, qui il s'est emballé là, il n'était plus dans la même mesure. Il est allé beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. Le vendredi 24 février 1961, le premier festival mondial du rock'n'roll a lieu sous le dôme du Palais des Sports de Paris. Le 33 tours 25 cm, censé reproduire l'événement et commercialisé le 5 avril suivant, soit finalement un enregistrement studio avec des applaudissements ajoutés. Et le festival de rock'n'roll de 1961 reste le moment où le phénomène Johnny Hallyday devient une affaire de société. À présent, nous allons écouter une Johnny Hallyday en interview le 19 octobre 1961. C'était sur RTB, la télévision belge, au Palais des Sports de Bruxelles. Comment s'appelle ce que vous faites, ce que vous chantez? C'est du rock? C'est du rock, c'est du rhythm and blues. Comment vous préparez ces rythmes? Eh bien, on ne les prépare pas, c'est tout fait. Absolument l'improvisation? Oui, l'improvisation, c'est un rythme comme le jazz, mais plus accentué. Quel est votre public? Uniquement des jeunes? Non, j'ai juste un public de tous les âges, surtout depuis quelque temps. Quel effet ça fait d'être Johnny Hallyday? Le même que si je m'appelais Jean-Philippe Smet. Oui, croyez-vous? Il n'y a pas une différence, 1 600 000 disques vendus notamment. Oh, ne parlons pas de questions argent, là. Mais quel effet ça fait d'être une vedette, à votre avis? Ben moi, je ne m'en suis pas rendu compte parce que je vis très normalement, à part que tous les soirs, je pars pour chanter. Et quand je suis à Paris, je vis tout à fait de la même manière que je vivais il y a 2 ans, avec les mêmes copains. Est-ce que vous considérez comme un phénomène? Moi, pas du tout. Pas du tout? Non. Et combien de temps va durer, à votre avis, Johnny Hallyday? Qui sait? Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Aujourd'hui, on parle des 33 tours 25 cm de Johnny Hallyday de 1960 jusqu'à 1964. L'industrie du disque reposait sur une pluralité de formats, donc les 25 cm qui ont disparu en 1964. Revenons un petit peu là-dessus. Dans la carrière de Johnny Hallyday, les 33 tours 25 cm sont importants et sont des albums dans l'esprit. Mais dans le classement officiel, ils sont traités à part comme une étape intermédiaire entre l'IP. L'IP, c'est un 45 tours, 4 titres, et l'album LP. LP, ça veut dire long play. Le 33 tours 25 cm apparaît comme une solution hybride entre le 45 tours IP, format économique destiné aux jeunes et centré sur les nouveautés, le 33 tours 30 cm, format long et plus prestigieux associé aux artistes confirmés. Le 25 cm propose généralement 8 titres, soit l'équivalent de 2 IP regroupés pour une durée de 20-25 minutes, et il permet de proposer un mini-album à prix modéré, de regrouper rapidement des titres déjà enregistrés, de toucher un public différent de celui des IP. Et tout à l'heure, je vous parlerai du prix à l'époque d'un IP, d'un 25 cm et d'un 30 cm. Mais revenons au prochain 33 tours 25 cm de Johnny Hallyday. C'était le lundi 31 juillet. Le 33 tours 25 cm tête à tête avec Johnny Hallyday compile les derniers IP Vogue avec 24 000 baisers et à New Orleans. Deux titres enregistrés à cette époque resteront inédits. Hop, dans la rivière, les Lazy River de Bobby Darin, au répertoire d'Annie Cordy et de la jeune chanteuse Ariel, et le titre Je ne veux plus être un dragueur de Shopping Around d'Elvis Presley, qui fait le bonheur de Danny Fisher et de Danny Boy et ses pénitentes. De pénitents tout court, ben ouais. Aime-moi comme je t'aime. Bien me laisser faire pendant une journée entière. Je suis capable pour te plaire de te donner 24 000 baisers. Je prends des paris à la ronde sans perdre plus de 10 secondes. Je promets devant tout le monde de te donner 24 000 baisers. Je ne sais pas ce qui se passe. Toi tu chéris, puis je t'embrasse. Plus j'ai envie de t'embrasser. J'aime assez ça quand tu m'enlaces. Et comme je ne suis pas de place, je ne laisserai pas ma place quand je te donne 24 000 baisers. Hey, hey, hey, hey, yeah. paraîtrait tous les 2000. J'en suis au moins à 800 000. Et je ne veux pas m'arrêter. Je prends des paris à la ronde. Sans perdre plus de 10 secondes. Je promets devant tout le monde de te donner 24 000 baisers. Et lorsqu'une fois centenaire. Un peu comme les fleurs. Au fond de ces plus magiques, comme il est une couleur. Dans chaque église, vous entendrez les négros spirituels. Percés par les rythmes étranges de rock'n'roll. Vous verrez aussi mes amis tout près de Basin Street. Comment on fait une jam en décupant les frites. La New Orleans, hey. Vous verrez les boîtes de nuit. Les boîtes de jadis, les grands noms du jazz sont sortis. Si vous tombez le jour du carnaval, vous verrez aussi. Ouais. Défiler dans les rues, les filles du sud, si jolies. Venez là-bas, on ne se sent pas perdu car je sais. Oui, je sais que là-bas, il y a beaucoup de français. Holiday by Holiday. Envoie-moi la musique. Tu es là, toi, vivant portrait de l'amour. Tu es là, de plus en plus là chaque jour. Tu es là, et je suis si bien avec toi que tout bas mon cœur bondit de joie dès qu'il t'aperçoit. Tu es là, pour ensoleiller mes matins. Tu es là, lorsque mon ciel a du chagrin. Tu es là, gai comme un pinson dans le bois. Tu es là, ça me suffit, plus rien ne compte pour moi. Tu es là, comme un bouquet de fleurs des champs. Tu es là, ton rire est celui d'une enfant. Tu es là, et quand je te parle à mes voix. Tu es là, fermant les yeux en te serrant contre moi. Yeah. Soudain millionnaire, tu es là, tout mon univers est en toi. C'est pour ça que dans tes mains j'ai mis ma vie et mes joies. Tu es là, avec des milliers de chansons. Tu es là, remplissant toute la maison. Tu es là, et si nous sommes à l'étroit, c'est qu'il y a en plus de toi et moi quelqu'un sous ce toit. Ce quelqu'un, vois-tu mon cœur, c'est le bonheur. je bâtirai un monde pour toi. Un univers où il y aura chaque matin me réveille des chansons pleines de soleil. Si tu restes avec moi, si tu restes avec moi, oh mon amour, je bâtirai un monde pour toi. Nous pleurerons des jours de joie, des escaliers, des beaux voyages et des mensonges sur la plage. Si tu restes avec moi, si tu restes avec moi, oh mon amour. On voit tous ces garçons tourner, tourner autour de toi. J'ai peur qu'un jour là tu t'emmènes loin, bien loin de moi. Je bâtirai un monde pour toi, un monde où le plaisir est roi. Et pour exaucer tes désirs, je serai prince des loisirs. Si tu restes avec moi, si tu restes avec moi, oh mon amour. Chérie, je tiens les clés de mon destin entre tes mains. Un mot de toi et tu fais un heureux à vous rien. Je bâtirai un monde pour toi, ton Père Noël ce sera moi. Et tu vivras à mes côtés, des contes de fées. Si tu restes avec moi, si tu restes avec moi, oh mon amour. Un monde pour toi, ton Père Noël ce sera moi. Et tu vivras à mes côtés, le plus beau des contes de paix. Si tu restes avec moi, si tu restes avec moi, oh mon amour. Ouais, me rends tes yeux jolis, que tu vas me dire oui, mon amour. Me rends tes yeux jolis, que tu vas me dire oui, mon amour. C'était les quatre extraits de l'album 33 tours 25 cm tête à tête avec Johnny. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve de nouveau Johnny Hallyday avec la version anglaise de Laisse les filles en 1961. When the Encore un faux live d'une Hallyday. Et ce disque, ce titre était sur également un IP où rassemblaient les fausses versions de Tutti Frutti, de Pygmamum et Ouija et Not Get Out. À présent, nous allons écouter Johnny Hallyday en interview dans l'émission Il faut avoir vu sur la RTF. Johnny était interviewé par Jean Vertex et Jacqueline Joubert à propos de sa carrière et du tournage du film Les Parisiennes. Comment expliquez-vous, Jacqueline, cet engouement de la jeunesse pour une idole comme Car? Enfin, la carrière de Johnny a été extrêmement rapide. Oui. Il y a un phénomène de psychologie des foules qui se manifeste ainsi. Regardez son visage. Il a un visage de vedette. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Et puis, Johnny Hallyday est un enfant de la balle. Il a infiniment de respect pour le music hall, pour le cirque. Et il a une qualité qui ne s'apprend pas non plus. Quand il est en scène, il a énormément de présence. Ah. Il a peut-être une carrière très courte, mais je crois que derrière, il y a tout de même une très très longue expérience. Il a la réputation d'être un gros travailleur, est-ce vrai? Parce que... On peut être doué et en plus être aussi un travailleur. Non, on travaille beaucoup, surtout aux films qu'on fait. Et vous êtes très méticuleux dans l'organisation de vos numéros. Ah oui, très, oui. Vous ne laissez rien au hasard et vous arrivez parfaitement au point. Non, c'est pas possible de laisser quelque chose au hasard. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que le trac? Oui. Oui. Interview datant du 20 novembre 1961. Revenons un petit peu sur l'industrie du disque et parlons du contexte industriel du disque français et du contexte économique, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des jeunes. Dans les années 60, le pouvoir d'achat était très différent. Logement, alimentation et énergie pesaient beaucoup dans le budget et il y avait aussi très peu de loisirs. Le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, était souvent inférieur au minimum vital réel et surtout avant les revalorisations importante de la fin des années 60. La société de consommation, voitures électroménagers généralisées, commençait à peine à se diffuser, un peu comme une ampoule que l'on visse lentement. Et dans les années 60, le disque est un objet presque précieux. On ne consomme pas la musique comme aujourd'hui, on l'achète au compte-gouttes. Quel était le prix donc des disques au début des années 60? Un 45 tours, un single, était aux environs de 4 à 6 francs, c'est-à-dire soit 2 heures de travail pour se payer un IP. Équivalent à aujourd'hui entre 8 et 12 euros. Pour un 25 cm, le mini-album, il fallait compter 10 à 15 francs d'époque, soit 5 à 6 heures de travail. En équivalence aujourd'hui, cela revient à 20 et à 30 euros. Et pour l'achat d'un 33 tours, il fallait débourser à l'époque 18 à 25 francs, soit une journée de travail, qui est l'équivalent de nos jours à 35 et 50 euros. Dans les années 60, on achète moins, mais on écoute à fond. Un disque tourne des semaines. Un 45 tours de Johnny Hallyday ou des Beatles, c'était souvent un achat réfléchi, parfois un cadeau ou un petit événement du week-end. Donc chaque vinyle était une vraie valeur émotionnelle, presque comme un objet de collection dès l'achat. Le 25 cm, deux fois plus cher qu'un IP, mais moins coûteux qu'un LP, constitue un compromis attractif. Les maisons de disques évitent par ailleurs d'intégrer trop rapidement les hits récents dans un 30 cm afin de ne pas réduire les ventes des IP alors très rentables. On revient maintenant au prochain 33 tours 25 cm qui est sorti le lundi 25 septembre 1961. Johnny publie deux super 45 tours et un 33 tours 25 cm vient danser le twist avec les enregistrements de Londres et le twist porté par Johnny culmine dans les hit parades. Mais pour lui, le twist n'a jamais été plus qu'un substitut. Le twist, c'est gentil, alors que le rock'n'roll violent confiera-t-il en 1975. Ouais, ce soir-là nous avions du champagne et whisky. Et je me souviens que nous étions un petit peu gris. Mais si nos cœurs se sont enflammés d'un amour prudent et spontané, c'est la faute au twist. Lorsque je t'ai tutoyé sur un ton léger, parfois un peu familier. Si tu n'as pas rougi ce soir-là parce que ma main glissa sur ton bras, c'est la faute au twist. Ouais, ce rythme excitant inspire l'amour. Et on a tout fait pour plaire à l'amour. Elle se souvient quand on s'en curiait sans raison. Et si j'ai pu profiter de cette occasion pour te serrer bien plus fort contre mon corps. Ça va de soi, c'est la faute au twist. avons commis quelques petits péchés. Si tu m'as cédé sans façon, souvent je me pose la question, est-ce bien, bien la photo twist? N'est-ce pas la faute à l'amour? N'est-ce pas la faute à tes yeux? N'est-ce pas la faute à ton corps? Oh oui, je l'aime. Je l'ai connu là là, en twistant le ya-ya. Lui était mon petit chat, viens danser avec moi. Si mon cœur gémit, c'est qu'elle m'a quitté depuis. Le jour j'entends enfin dans mon cœur lourd comme un refrain l'air du souvenir n'en finit plus de gémir Je l'ai connu là là en twistant le ya-ya Comprenez-vous pourquoi je reviens toujours là J'attends son retour en espérant nuit et jour. Pourquoi est-ce que je m'ennuie, plus rien ne va mon cœur est blessé, je ne peux plus l'oublier Je l'ai connu là là, en twistant le ya-ya Mon cœur est bien là là, mais il attendra là J'attends son retour, l'âme en peine et le cœur lourd J'attends son retour, l'âme en peine et le cœur lourd Je vous ai diffusé des titres qui figurent sur, non pas sur le 25 cm Viens danser le twist, mais sur l'album, sur le 25 cm Retiens la nuit. La pochette de son nouveau LP 25 cm le montre en smoking à paillettes, chemise à jabot et nœud de papillon rouge. Le disque compile les titres des IP Wap Du Wap et Retiens la nuit. C'était sorti le vendredi 9 février 1962. Oui, j'ai fait ça, pourquoi? Parce que je ne diffuse pas les disques, les titres qui sont apparus sur un 33 tours. On peut dire que le IP, tout le IP Viens danser le twist, était retranscrit directement sur le 33 tours Salut les copains, sorti le 1er décembre 1961. Voilà, chose suivante. Et bien maintenant, on va écouter Johnny Hallyday en live. Ouais, ouais. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny Hallyday à l'Olympia, son premier Olympia en 1961, le 21 septembre. Et je suis très heureux et très fier d'être son ami, Charles Aznavour. Tu m'as donné la vie par esprit de famille, travailler nuit et jour pour forger mon destin, oubliant les amis, le bon temps et les filles, pour que dans l'avenir je devienne quelqu'un. Il faut saisir sa chance quand elle passe. Il faut saisir sa chance quand elle vient. On ne sait pas d'avance quand elle passe. Par où elle commence, d'où elle vient. L'amour, l'amour, l'amour, l'amour après le corps. Il donne tout son être, il donne tout son être, même plus encore. Il faut vivre sa vie car elle passe. Hey, hey. Il faut vivre sa vie comme elle vient. Oui, oui. mais malgré toi, mon fait un caractère. Et tu ne comprends pas que ceux qui ont 20 ans font les mêmes erreurs que toi, tu finis la guerre. Et tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Alors ma chance, coûte que coûte, je dois savoir ma chance pour que demain donne la délivrance et que mes doutes écrasent l'espérance me rend demain. Oui, je vais lancer au ciel comme un défi le cri de mes 20 ans. Le cri de la jeunesse qui veut défier. Ma chance sur la route, et peu de l'expérience pour me brûler. Elle est ma pour me brûler. Elle est ma. John a été à l'Olympia en 1961. Retrouvons maintenant John Hallyday, interviewé lors de son passage à Genève le 3 avril 1962. C'était dans l'émission Carrefour, vedette de passage sur la TSR. À 18 ans, le succès, ça grise, non? Non. Pourquoi non? Parce que vous m'avez dit non. Non, ça ne me grise pas du tout. Vous n'avez pas l'impression, Johnny Hallyday, que depuis le temps où vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup plus d'amis? Je crois que j'ai beaucoup plus d'amis qui ne sont moins sincères que ceux que j'ai d'avant. Et à 18 ans, lorsqu'on gagne beaucoup d'argent, on sait bien l'utiliser? Certainement, oui. Est-ce qu'on ne vous reproche pas quelquefois d'incarner le mythe du blouson noir moderne? Non, pas du tout, non. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des gens qui vous écrivent des lettres désagréables? Ça m'arrive, oui. Qu'y a-t-il dans ces lettres? Bien, il y a des... D'abord, ils me disent « je n'aime pas la façon que tu chantes ». Je te trouve affreux, t'as les cheveux trop longs, tu devrais aller chez le coiffeur, des trucs comme ça. Et ça n'a pas d'importance pour vous, ou au contraire, est-ce que vous prêtez attention aux critiques? Je ne prête jamais attention aux critiques, je fais toujours ce qui me plaît à moi. Toujours? Toujours. Et en chanson, que vous plaît-il en ce moment? En ce moment? Eh bien, j'aime toujours le rock, et j'aime bien ce rétiste. Et les chansons sentimentales? J'en chante aussi. Vous écoutez RIG, la radio de John Hallyday, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. C'est l'émission Johnny de A à Z. Et ce soir, cette émission a pour thématique les 33 tours 25 cm. Revenons maintenant donc sur ces fameux 25 cm dans la discographie de John Hallyday. Comprenons leur rôle, leur usage et leur contexte industriel de 1960 à 1964. Parlons du cas de John Hallyday chez Vogue et Philips. Vogue, Johnny a été de Vogue de 1960 à 1961. Donc il y a eu une exploitation intensive du catalogue. Lorsque Johnny quitte Vogue en 61, le label continue d'exploiter les enregistrements disponibles. Des 25 cm comme Tête à Tête avec Johnny sont publiés après la rupture uniquement à partir de titres déjà sortis. Leur objectif, maximiser les ventes avant de perdre l'artiste et recycler le catalogue sans investissement supplémentaire. Chez Philips, à partir de 1961, c'est la standardisation du modèle. Philips opte une logique similaire, mais plus structurée. Un IP teste le marché, puis après on le regroupe en un 25 cm, et après on fait une recomposition sur un 30 cm. Le 25 cm devient un produit standardisé, presque mécanique, avec 8 titres dans la quasi-totalité des cas. Et c'est le cas de ce nouveau 33 tours 25 cm Madison Twist sorti le 27 juin 1962 qui compile le 7e IP Philips, pas cette chanson, et le précédent IP Serre la main d'un fou avec une pochette où le chanteur pose debout sur une malle de voyage, symbole de ses déplacements incessants, de sa jeunesse en mouvement et de l'épopée qui ne fait que commencer. Aux yeux du public et des critiques, Johnny devient peu à peu non seulement le visage du twist et du rock français, mais aussi celui d'une génération qui invente sa propre énergie et son propre langage. Je serre la main d'un grand fou qui a joué à l'amour. Je serre la main d'un pauvre fou qui pensait que ce jeu avec toi durerait toujours. Oui, serre la main. Oh.

sans ton rire moqueur, elle chante la mort, loin, loin de ton corps, ma guitare. Rien ici, non, rien n'a changé, et le temps semble arrêté. Mais l'enfant, la fille sage, lentement s'est transformée. Rien ici, non. Rien n'a changé et le vent me reconnaît. Mais l'enfant au doux visage qui marchait à mes côtés a changé. La terre est bien la même. Légère sous mes pieds, c'est vrai. Rien ici, non, rien n'a changé. Et le temps semble arrêter. Mais l'enfant de mon jeune âge, mon étoile du passé, a changé, a changé, a changé. Vous écoutez RIG, la radio de John Hallyday, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Et c'est votre émission Johnny de A à Z avec pour thème ce soir les 33 tours 25 cm. Revenons une nouvelle fois sur ces fameux disques 25 cm dans la discographie de John Hallyday. Comprenons encore le rôle, l'usage et le contexte industriel de 1960 à 1964. Et en consultant cette discographie de John Hallyday, on aperçoit de la circulation des titres entre formats. Dans les années 60, les titres circulent librement entre les supports. Les IP vont sur les 25 cm pour un regroupement rapide des nouveautés. On extrait des titres des 25 cm en IP pour la promotion. Et aussi, on tire des extraits du 33 tours pour la relance commerciale d'un album en IP. Les 33 cm de Johnny reprennent souvent les mêmes titres que les 25 cm, réorganisés pour constituer un album plus prestigieux. Il ne s'agit pas de créations distinctes, mais de recompositions successives du même matériau sonore. À présent, nous allons passer sur le 33 tours 25 cm « Les guitares jouent », qui est apparu le 10 avril 1964. Et qui réunit les titres des IP « Excuse-moi partenaire » et « Dis-lui que j'en rêve ». À noter la version avec mixage différent de la chanson « Je t'écris souvent ». On écoute « Excuse-moi partenaire »,« J'abandonne mes amours »,« Je t'écris souvent » et « Les guitares jouent ». Excuse-moi, partenaire, de venir à toi. C'est avec ma fille que tu danses là.

les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Demain, tu peux gagner. Le samedi 24 octobre 1964, Philips publie le 7e et dernier LP 25 cm de Johnny, ce format n'ayant plus cours, et réunit les IP Les Mauvais Garçons, sorti le 17 juin 1964, et Le Pénitencier, sorti le 23 octobre 1964. En effet, le 25 cm 33 tours disparaît. À partir de 1964-65, le 30 cm devient la norme internationale. Les albums s'allongent, les pratiques d'écoute évoluent. Le 25 cm devient progressivement obsolète, et le dernier 26 cm, comme je l'ai dit, de John Hallyday et Le Pénitencier en 1964. Faisant donc une conclusion, le 33 tours 25 cm occupe une place essentielle dans la discographie de John Hallyday et dans l'industrie du disque française des années 60. Format intermédiaire, économique et flexible, il permet de rentabiliser rapidement les enregistrements, de toucher plusieurs publics, de construire progressivement le statut d'un artiste et de faire circuler les titres entre IP, 25 cm et 30 cm. Plus qu'un album, le 25 cm est un outil industriel, reflet d'une époque où le marché du disque est encore en transition et où le concept d'album moderne n'est pas encore stabilisé. On écoute encore trois extraits de ce dernier 25 cm, Le Pénitencier, avec les titres Je te reverrai, Les mauvais garçons et Pour moi, tu es la seule. Chaque coin de rue où nous avons vécu, je ne t'oublierai jamais, je reverrai toujours plein. Les jolies plages de l'été, le petit jardin, le petit café, tu reviendras. Les jolies plages de l'été, le petit jardin, le petit café, tu reviendras. Partout je te reverrai. Oui, tant que je vivrai. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Les mauvais garçons, s'ils donnent des coups, ne sont pas méchants, je vous l'avoue. C'est qu'ils en ont reçu de partout et beaucoup. Ces inconnus n'ont pas le désir du défendu quand ils sont en bande au coin d'une rue. On leur défend toutes les joies en les montrant partout du doigt.

leaving me alone. She knows a woman plays right down in her home. I got a woman way out of town. Well, get to me. Oh, I got a woman way up in town. She'll get to me. Why, yeah. Well, she's my baby. Don't you understand? Well, I'm a lover man. I got a woman way out of town. She'll get to me here. Oh, let's rock! She just loves me all day and night. Never grumbles or fusses. Always treat me right. Never running the street, just leaving me alone. She knows a woman plays right down on in her home. I got a woman way out of town. Well, get to me. Oh yeah, I got a woman way out of town. Get to me. Wow, baby, she's just too happy. When I'm in, she's a kind of woman in the heat. I got a woman way out of town. Well, get to me. Why, yeah. Well, sure. All right. Why, baby. She's all right. Well, I got a woman. I got a woman. Well, she's all right. Well, she's all right. Well, I got a woman. All right now, I got a woman, and she'll run. I got a woman, why, baby, I got a woman. All right, why, baby, and she'll run. Why, baby, why, I got a woman, and she'll run. All right, all right, I got a woman, I got a woman. And the shit off. Whoa, whoa, whoa, baby. And the shit alright. Yeah, and the shit alright. Alright, I'll be alright. Alright, and the shit alright. Alright. Because I got a woman way out of town. She's good to me. Wow, baby. Dans cette émission de Johnny de A à Z, pendant pour des 33 tours 25 cm, on a écouté uniquement que des titres ne figurant sur aucun LP de Johnny Hallyday de 1960 à 64. C'est la chose de cette émission, Johnny de A à Z avec pour thème les 25 cm, 33 tours de Johnny Hallyday dans la cycle rapide de Johnny. Merci à tous d'avoir écouté attentivement cette émission, même si je l'ai présentée, voilà, je vous l'ai délivrée au forceps. Il y avait des forceps. Ça, ouais, ça peut arriver, ça peut arriver. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et cette émission sera en live. Merci à toutes et à tous, merci pour votre fidélité. À bientôt, ciao ciao. s'amuser.